Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'opposition des Acadiens à la Fédération canadienne de 1867. Si on avait offert aux Acadiens les mêmes protections qu'on a offert au Québec, par exemple, au niveau des droits linguistiques, et dans une moindre mesure, peut-être les questions des écoles séparées, que les Acadiens se seraient ralliés au projet de la Confédération. Donc, c'était une action stratégique de leur part de tenter d'influencer le projet pour obtenir une plus grande reconnaissance pour eux-mêmes. Pour le juriste Gaétan Mignot, qu'on entend à l'émission Forma Libre en juillet 2017, l'affaire est entendue. C'est pour des raisons essentiellement stratégiques que les Acadiens tournent massivement le dos au projet de Fédération canadienne en 1867. La population du Nouveau-Brunswick va être consultée deux fois lors d'élections sur ce projet de fédération. En 1865, les Néo-Brunswickois rejettent l'idée d'une fédération canadienne, mais l'année suivante, ils y consentent finalement. Seuls les Acadiens continueront de s'y opposer farouchement. Le haut clergé catholique des Maritimes, à l'époque surtout composé d'Irlandais, avait pris position pour la Confédération. L'archevêque de Halifax, Mgr Connolly, avait envoyé une lettre circulaire aux membres de son clergé, leur ordonnant presque de supporter l'idée de la Confédération. James Rogers, évêque de Chatham, avait fait la même chose. Mais lorsqu'on lit la correspondance des curés dans les paroisses acadiennes de certains curés, on voit que ces curés-là n'ont pas écouté les directives de leur évêque, puis ont presque en quelque sorte prêché contre l'idée de la Confédération. Il y a un incident, par exemple, à Tracadie, au nord-est de la province, où est-ce qu'en 1866, en pleine campagne électorale pour ou contre la Confédération, deux candidats, dont un catholique irlandais, viennent à Tracadie au cours de la campagne électorale donner un discours. Les gens de Tracadie, c'est une petite émeute, finalement. On va battre, on va rouer les candidats de coups, puis on dit que le prêtre, qui était le curé, l'abbé Gauvreau, était debout, puis assistait les bras croisés, puis semblait favoriser le fait que des gens qui proposaient cette idée-là se fassent battre. Puis qui ne dit mot consent. Oui, justement. Puis les journaux de Saint-Jean ont sauté en l'air, ont traité les gens de Tracadie de « half savages of Tracadie ». Ça a été, on cite souvent ça, cette expression-là. Alors, si je comprends bien, les Acadiens ont généralement voté contre. Ah oui, aux deux reprises. Finalement, les Acadiens ont entré dans la Confédération parce que, malgré eux autres... L'historien Maurice Basque en entrevue avec Robert Dionne à l'émission Actuelle en juin 1984 pour nous parler du contexte dans lequel le Nouveau-Brunswick fait son entrée dans la Fédération canadienne en 1867, pour nous expliquer également sur quoi repose cette opposition, cette farouche opposition des Acadiens à ce projet de fédération. Je reçois Joël Béliveau, Acadien lui-même, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne de Sudbury. Joël Béliveau, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous peut-être d'abord le contexte plus large qui va conduire, Joël Béliveau, à la naissance de la Fédération canadienne en 1867. Bon, déjà depuis les années 1850, on en parle. Il y a plusieurs impératifs qui poussent les colonies à y penser. La première, c'est l'idée de créer un marché intérieur plus vaste pour la production industrielle et agricole et autres. Les colonies canadiennes avaient longtemps eu un tarif préférentiel avec la Grande-Bretagne, un tarif impérial qu'ils ont perdu. Ensuite, ils ont eu un accord de réciprocité avec les États-Unis d'Amérique, qu'ils ont aussi perdu. Ouais. Donc là, on est très préoccupé, on veut un marché intérieur. Il y a aussi la question, justement, du financement des chemins de fer. C'est la rage des chemins de fer. Tout le monde veut des chemins de fer, sauf que c'est très cher. Et les banques londoniennes ont un peu peur de prêter à d'aussi petites colonies qui se disent, si on s'unit, on pourra plus facilement financer des gros projets comme l'intercolonial. Donc, des raisons économiques, essentiellement. C'est vous, très vous pragmatique entendre. Comme projet. Ouais. Hein? C'est loin du rêve d'une république, quelque chose de nouveau ou d'une révolution. La défense joue là-dedans aussi. Londres est plus ou moins chaude à l'idée de défendre ce grand, vaste territoire. Là. Donc, au début, c'est les provinces maritimes qui se disent, on va se faire une petite conférence, voir si on peut unir les trois colonies maritimes, à laquelle s'invite le Canada uni, donc composé du Québec et de l'Ontario actuel, qui avait de graves problèmes politiques. Il n'arrivait plus à se gouverner. Il y avait une impasse continuelle. Mais on s'est dit, ben, peut-être qu'on pourrait sortir de l'impasse, en créant une fédération, puis en donnant finalement au Bas-Canada, au Canada de français, sa propre province, le Québec. Donc, cette fameuse conférence de Charlottetown Irlande, dont on parle souvent, qui a lieu en 1864. Au départ, donc, c'est les trois colonies atlantiques qui sont censées s'y réunir pour voir si on fait pas un marché commun atlantique, mais le Québec et l'Ontario s'invitent. Et là, la graine, elle est semée. Il y aura une autre conférence quelques mois plus tard à Québec. C'est parti. L'idée de fédération commence avec ce qui sera les quatre provinces fondatrices, là, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Ça commence à ce moment-là. Absolument. Puis c'est un spectacle aussi. Hein. Ils sont descendus dans un gros bateau à vapeur, plein de champagne. Ils font la cour aux provinces maritimes pour faire ça. Donc, ça commence comme ça et ça fait son chemin. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, mais ailleurs en Atlantique aussi, il y a de fortes résistances au début à ce projet-là. Absolument. Le Canada central, c'est loin pour les colonies maritimes. Là, marché naturel, c'est la Grande-Bretagne, c'est les Antilles, c'est la côte américaine. C'est ça les gens avec qui ils font échange normalement. Donc, ils ont un peu peur de se faire prendre dans un marché dirigé vers l'ouest, comme ça. Et au Nouveau-Brunswick, particulièrement, Joël Béliveau, assez rapidement, ce qu'on constate, c'est que la province, elle est vraiment politiquement divisé en deux clans. Il y a des gens qui sont favorables à cette idée de fédération et d'autres pas du tout. Oui, il y a de l'opposition dès le début. Au début, c'est un peu flou, hein. C'est un nouveau projet. La plupart des journaux anglophones sont vaguement en faveur. Mais dès le début, tu as des gens qui s'y opposent. Comme Timothy Anglin, qui était le chef vraiment un peu autoproclamé, mais très respecté de la communauté irlandaise de St. John au Nouveau-Brunswick, qui va dire que c'est un projet mégalomane. Il est un bon libéral du 19e siècle qui se dit qu'il faut se concentrer sur des plus petits projets. Il faut favoriser la colonisation, peut-être construire un peu les routes, mais il ne faut pas s'endetter comme ça. Et puis, il ne voyait pas d'intérêt pour les colonies maritimes. Peur de se faire d'un trop grand ensemble aussi, je pense, ça joue. Absolument. Puis ça, à mesure que le temps a passé, quand ils ont révélé quelle serait la composition de l'Assemblée commune pour le Canada, de la Chambre législative, les deux, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ont bondi. Ils se sont dit, on va vraiment être ensevelis dans une marée de députés canadiens-anglais du centre. Et puis, on ne va pas pouvoir faire entendre nos voix. Donc, il y avait quand même une préscience un peu de problèmes qui allaient venir plus tard. En se disant, le Québec et l'Ontario, ça sera une critique qui, effectivement, va continuer au fur et à mesure que le Canada va grandir et que les provinces vont s'additionner. Mais cette critique, c'est que c'est le Canada central qui mène le pays, finalement. Il y a une préscience de ça, là. Leonard Tilley, qui est premier ministre du Nouveau-Brunswick à ce moment-là, après la conférence de Charlottetown en 1864, lui, il est favorable. C'est un de ceux qui dit il faut cette fédération. Le Nouveau-Brunswick a intérêt à adhérer à cette fédération canadienne. Il va organiser une élection en 1865 sur cette adhésion du Nouveau-Brunswick à la fédération. Ça passe pas du tout. Décrivez-nous un peu à quoi ressemble cette élection-là. Pourquoi les Nouveau-Brunswickois, cette fois-là, disent non à ce projet-là. D'ailleurs, il n'a pas eu trop le choix de faire l'élection parce que son rival, Albert Smith, qui était autrefois son bras droit, qui était contre la Confédération lui aussi, commençait à tourner les députés contre le projet, un après l'autre. Et donc, Leonard Tilley a voulu montrer qu'il y avait encore l'appui de la population, mais grave erreur parce que c'est un raz-de-marée. Très facilement, les anti-confédérés sont contre. Pourquoi? On veut demeurer libre-échangiste, on veut continuer à échanger avec les États-Unis, il y a la peur de se faire ensevelir. Mais ce qu'on voit quand on gratte un peu sur la surface, c'est que la coalition qui a formé, hein, puis qui prend le gouvernement donc en 1865, elle est assez hétéroclite. Hein. Il y a des gens qui s'opposent, mais pour des raisons très différentes. Puis il va trouver ça très difficile à gouverner entre 1865 et la prochaine élection en 1866. Parce que 1866, effectivement, il y a une autre élection, encore une fois, avec ce thème central. On remet ça. Est-ce qu'on doit ou pas adhérer à ce projet de fédération canadienne? Et là, énigme, mais vous allez nous dire ce qui s'est passé. Autant un an auparavant, les Néo-Brunswickois rejettent massivement le projet de fédération canadienne. En 1866, ça passe. Ouais. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est un renversement total, puis c'est assez étonnant dans un an et demi. Ben, d'abord, il y a une petite peur au niveau militaire. Il y a le groupe qui s'appelle les Fenians ou les Fenians, qui sont des Irlandais situés aux États-Unis, qui en veulent à la Grande-Bretagne de continuer à occuper l'Irlande ou à gouverner l'Irlande. Et ils se disent que la manière la plus facile de frapper la Grande-Bretagne, c'est de frapper ses possessions au Canada. Ils font une petite attaque sur l'île Campobello au Nouveau-Brunswick. C'est une escarmouche, finalement, mais c'est assez pour susciter des craintes puis apporter de l'eau au moulin là, de cette idée-là qu'on pourra mieux se défendre si on unit le Canada. Autre chose qu'à jouer, entre-temps, Londres a dit assez clairement, non, nous, on préfère que la Confédération ait lieu. Et puis ça, ça va vraiment changer la donne de deux manières. D'abord, de manière très pratique, le gouverneur du Nouveau-Brunswick, à ce moment-là, va saisir la première occasion en voyant que Smith avait du mal à gouverner. Il va provoquer une élection. Hein. Il va vraiment un peu abuser de son pouvoir en allant au-devant, en déclarant que c'est la crise et donc qu'une autre élection est nécessaire. Il sent que le vent a changé. Et deuxièmement, à partir du moment que Londres dit qu'il est en faveur, bien là, ça devient une question. Être fidèle à la Grande-Bretagne, oui, c'est être pour la Confédération. Et puis, Leonard Tilley va très bien jouer cette carte-là. Il va dire que tous les opposants, finalement, sont peut-être pas très fidèle à l'Empire. Et cette carte-là est très facile à jouer contre les catholiques. Hein? Contre les catholiques qui ont juste le droit d'être députés depuis une trentaine d'années. Donc, Timothy Anglin va être vu comme étant, dépeint comme un annexionniste, hein, qui voudrait faire partie des États-Unis. C'est une des premières fois que cette carte-là est jouée au Canada. Ça sera joué par les conservateurs jusqu'à la fin du 19e siècle avec beaucoup de succès. Et puis, Tilley fait une très, très bonne campagne. Déjà, j'ai l'impression de parler avec un vocabulaire du 20e ou du 21e siècle. J'allais dire Ottawa est derrière lui. L'argent rentre pour sa campagne. Oui. Cette dynamique-là, elle est déjà en place. Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu de commission Gomery, mais il n'y aurait plus. Hein? Donc, ça va bien. Il fait campagne. Et cette fois-là, donc, il reprend le pouvoir et il a son aval. Les Néo-Brunswickois disent qu'ils veulent bien en embarquer dans ce projet de fédération. Ce qui, en revanche, Joël Béliveau, ne change pas entre l'élection de 1865 et l'élection de 1866, c'est l'opposition des Acadiens. Les deux fois, rejet massif de la part de la population acadienne du projet de fédération canadienne. Il y a certainement l'influence du bas clergé qui a dû jouer contre la Confédération. Les curés de la France, par exemple, dans la région de Memramcook, puis Gauvreau à Tracadie, étaient presque ouvertement contre l'idée de la Confédération. Il faut dire que les Acadiens, aussi certains Acadiens, étaient influencés par un député catholique irlandais, Timothy Anglin, qui, lui, était contre l'idée de la Confédération. Puis Anglin était assez populaire parmi l'électorat acadien, donc il y avait ça qui pouvait jouer aussi. Ce qui se passait dans la tête des Acadiens, selon mon interprétation, c'est simplement que, premièrement, qu'ils ont été complètement écartés du débat. Évidemment, ils avaient un seul député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, donc ils n'avaient pas nécessairement l'influence politique pour participer activement. Mais il reste que les Acadiens ont eu l'occasion, par opportunité, avec deux élections provinciales au Nouveau-Brunswick, avec leur droit de vote, de s'exprimer sur le sujet. Et ça a été finalement pour les Acadiens la seule tribune qu'ils ont pu avoir, disons, pour s'exprimer. Le juriste Gaétan Mignon à l'émission Format libre en juillet 2007 et juste avant l'historien Maurice Basque à l'émission Actuelle en juin 1984. Avant de s'attaquer au motif derrière ce refus de la Fédération par les Acadiens, un mot, Joël Béliveau, pour nous rappeler au fond où en sont les Acadiens dans leur histoire et politiquement, quand arrive ce projet de fédération canadienne? Bien, ils reviennent de loin. Hein. Faut se rappeler, c'est à peine 100 ans après la déportation. Ils se sont réinstallés, ils ont dû se réinstaller un peu partout sur le long des côtes de manière assez dispersée. Ça a pris du temps à reconnaître leur titre de propriété même, avant de pouvoir ne pas squatter sur la terre. Ils n'ont pas pu voter jusqu'au tout début du 19e siècle. Ils n'ont pas pu être candidats jusqu'en 1830. Dans les années 1860, il y a encore seulement un député acadien. Il y a seulement deux ou trois prêtres acadiens. Le premier collège ouvre en 1864. Il n'y a pas de journal acadien encore. Mais ils sont, entre guillemets, à peine tolérés. Là, on est encore un petit peu dans cette dynamique-là. Ils sont périphériques, ils sont ignorés. Ouais. Ils sont exploités par des compagnies de pêche jerseyaises. Ils sont pauvres. Ils sont moins lettrés qu'ils étaient en 1755. Mais ils sont à l'aube de ce qu'on appellera la Renaissance acadienne, hein, avec les premières institutions qui vont apparaître justement dans cette décennie-là. Revenons à leur opposition. Qu'est-ce qui fait que les Acadiens, deux fois, rejettent en 65 et en 66, disent « Non, on ne veut pas de ce projet de fédération. Mm-hmm. » Ben, c'est difficile à établir avec certitude absolue. Je pense que les historiens, l'historien et le juriste qu'on a entendu font de très bons points. On peut regarder ce que disent les prêtres, on peut faire de la conjecture avec la manière dont ils ont voté. Ceci dit, il n'y a pas de journal, il y a un député, on a très peu de traces directes. Ceci dit, moi, je suis assez convaincu par les arguments de Gaétan Mignot, qui a publié là-dessus tout dernièrement, hein, qui dit, si on regarde le genre de pétitions qui sont envoyées à la province juste avant et juste après la Confédération, on voit qu'ils sont déjà préoccupés par la question linguistique. Ils ont fait des pétitions pour demander que l'Assemblée législative soit bilingue dès ce moment-là. Donc, c'est crédible qu'ils se sont senti un peu floués et exclus. Oui. On ne les a pas considérés, on les a pris pour acquis. Il n'y a rien pour nous autres là-dedans. Il n'y a rien pour nous autres là-dedans. Oui. Personne n'a négocié en notre nom, même pas les Canadiens français qui sont venus du Québec. Oui. Donc, c'est un refus. Parce que c'est vrai que c'est étonnant, parce que cette Constitution de 1867, elle protège la minorité anglophone du Québec, elle protège la minorité francophone de l'Ontario, avec un article prévu dans la Constitution, mais l'article 133, mais rien pour les Acadiens. Exactement. On prévoit que le Parlement fédéral et le Parlement du Québec sera bilingue, devra tout produire dans les deux langues à l'écrit, et que c'est possible de parler dans les deux langues. Les tribunaux de ces deux instances-là aussi, mais rien pour les provinces maritimes. Et les droits scolaires de la minorité protestante au Québec, c'est bétonné. D'ailleurs, les protestants du Québec ont reçu beaucoup d'autres concessions. Mm-hmm. Mais rien pour les Acadiens. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas autour de la table? Le Québec est là. Le Québec est autour de la table. On aurait pu penser qu'il y avait un allié naturel, que le Québec fasse la promotion de ce projet de fédération en 1867. Ça ne convainc pas les Acadiens d'embarquer dans le train? Ils sont victimes d'une pratique qu'ils ont eue jusqu'à ce moment-là, d'élire des députés anglophones. Donc, le Timothy Anglin, dont on parlait tantôt, qui vient de Saint-Jean, en fait, il est député de Gloucester, c'est la péninsule acadienne, c'est la région de Caraquet. C'est un catholique, on lui faisait confiance, mais du coup, ils n'ont pas de porte-voix, puis il n'y en a pas à Charlottetown pour négocier la Confédération. Oui. Puis s'ils ont eu l'espoir que les Canadiens français négocieraient pour eux, c'est sûr qu'ils auront été déçus à ce moment-là, finalement. Oui. Bon, il reste que c'est embêtant, j'imagine, pour la majorité anglophone du Nouveau-Brunswick, cette espèce d'opposition tenace des Acadiens. On n'en veut pas de ce projet de fédération. Comment réagissent les anglophones à cette opposition? Deux fois, lors de deux élections, les Acadiens disent non, merci, très peu pour nous. Ben, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de mépris pour les Acadiens qui commencent tout juste à sortir du bois puis commencent tranquillement à occuper des lieux de pouvoir. Et ça sera juste amplifié à ce moment-là. Je pense que la citation de Maurice Basque sur les half-savages en dit très, très long. Ouais. Et ça va, au fond, ce qui est assez merveilleux quand on regarde l'histoire dans le rétroviseur, c'est que cette opposition des Acadiens, elle était probablement très légitime parce que très, très peu de temps après la naissance de ce pays et la Constitution de 1867, il y aura une crise linguistique, une crise scolaire majeure, et ça va faire partie de l'identité acadienne, de la culture acadienne. Ce n'était pas pour des chimères que l'Acadie a bien 100 ans. En plein janvier, c'était mise en colère. En plein hiver, a vu couler le sang. C'est qu'en 1871, il y a une loi au Nouveau-Brunswick qui a été passée qui s'appelait le Bill King et qui interdisait l'enseignement de la religion dans les écoles acadiennes, dans les écoles, les écoles françaises. Et avec toutes sortes de... Enfin, la loi, c'était un prétexte, finalement, à quoi il y avait toutes sortes de corollaires à ça qui faisait que, finalement, ça interdisait l'enseignement de la religion aussi. Je vais passer de commentaires là-dessus, ça serait trop long. Et 4 ans après, les événements se sont succédés, la situation s'est envenimée, puis 4 ans après, à Caraquet, en 1875, à l'automne, il y a un groupe d'Acadiens qui s'est appelé des armes, qui est allé enfin faire du grabuge chez le député, puis donc ils se sont rassemblés dans une maison, bien entendu, les soldats de l'ordre qui sont venus pour les remettre au pas, et ça fait une escarmouche au cours de laquelle 2 hommes ont été tués, un soldat et Louis Mayou. Et pour que soit plus libre nos enfants, ce soir, je me sens ivre, Louis Mayou. Extrait de la chanson « Louis Mayou » interprété par le chanteur acadien Calix Duguay, que vous entendiez également dans cet extrait raconter le tumulte que va créer l'adoption d'une loi qui restreint les droits linguistiques des Acadiens en 1871. Ça va être une crise majeure, Joël Béliveau. Racontez-nous un peu ce qui va se passer en 1871 puis dans les années qui suivent, là, jusqu'à l'arrivée du fameux Louis Mayou dans le portrait en 1875. Voilà, donc même pas 4 ans après la Confédération, les Acadiens peuvent dire... On l'avait dit, pourquoi nos droits scolaires n'ont pas été préservés? Parce que, bon, c'est la période de la modernisation de l'éducation un peu partout, et le Nouveau-Brunswick n'est pas en reste. Il veut passer une loi qui, de prime abord, on voit la raison de cette loi-là. On veut uniformiser l'éducation, on veut mieux financer l'éducation, on crée une taxe scolaire un peu partout, et puis on veut créer un système scolaire unique. Ouais. Le problème, c'est que, la question religieuse, les sectes protestantes entre elles acceptent d'avoir des écoles, qui vont appeler laïques. Ça ne veut pas dire non chrétiennes. Ça veut juste dire qu'on va on va passer par-dessus les petites différences entre les différentes sectes protestantes qui sont prêtes à faire ça. Sauf que les catholiques, pour eux, ça ne va pas du tout à ce moment-là. On veut des écoles qui nous ressemblent. Et puis, on a des écoles catholiques qui ont été financées par la province depuis un certain nombre d'années, sauf que ce n'est pas reconnu par la loi. Et la Constitution 67 dit que là où c'est reconnu par la loi, c'est un droit acquis, ouais. mais pas ailleurs. Et donc, il y a des mobilisations. On va faire beaucoup de choses. Des dizaines de pétitions venant de dizaines de comtés différents seront envoyées à la province. Parce qu'ils les perdent, les catholiques. Leurs écoles. Oui, leurs écoles, ben, ils peuvent les garder s'ils veulent, mais ils doivent les financer. Ouais. Donc, ils doivent payer la taxe scolaire et continuer à donner de l'argent ouais. pour l'école paroissiale. Donc, il y a des pétitions. Un député irlando-catholique à Ottawa va tenter de faire limoger la loi. Le pouvoir de désaveu du fédéral existe encore, ouais. mais John A. Macdonald refuse absolument de le faire. On porte la question en appel jusqu'à Londres, et puis finalement, on nous répond que non, les provinces ont le droit de légiférer en matière d'éducation. Donc, ouais. la loi est constitutionnelle. Ça va faire vraiment couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Et finalement, beaucoup de gens vont refuser de payer la taxe scolaire. Et puis, on va saisir les biens de beaucoup de gens, incluant beaucoup de prêtres. Et puis, à un moment donné, il y a une émeute, justement, à Caraquet. Et puis, on va chercher des miliciens dans une petite ville anglophone, pas trop loin. Et c'est là que le grabuge va avoir lieu, les deux morts. Ouais, Louis Maillot et un autre homme, donc, meurent à ce moment-là. Ça se résout comment, cette crise-là? Bien, 4 ans, c'est quand même long. Donc, en cours de route, on commence à faire des compromis. Pas question de dévier du principe d'un système unique d'école, mais tranquillement, on dit, OK, on peut porter des signes religieux à l'école. Tiens, c'est d'actualité, finalement. Donc, les religieux pourront enseigner dans ces écoles-là. Les religieux n'auront pas besoin d'aller chercher leur brevet d'enseignement. On pourra même enseigner la religion dans l'école, mais à l'extérieur des heures de classe. Ouais. Et puis, la langue de communication pourra être le français, surtout à l'élémentaire. Donc, ça se tasse. En gros, les années qui suivent et la façon dont les Acadiens vont percevoir ce nouveau pays, l'impact, au fond, qu'aura eu cette constitution de 1867, ce projet fédératif sur le Nouveau-Brunswick et sur les Acadiens. Une chose que ça va faire, c'est que les Acadiens vont se débarrasser de cette manie-là d'élire d'autres pour les représenter. À partir de ce moment-là, on va voir de plus en plus de députés acadiens dans les régions acadiennes. Ils ne vont pas nécessairement avoir plus de pouvoir pour autant. Ils vont être marginalisés, qu'ils soient au pouvoir ou non. Mais au moins, la députation acadienne va croître. On peut argumenter, je crois, je pense que c'est assez certain, que c'est un des ressorts de la Renaissance acadienne qui commence à ce moment-là. Hein. 10 ans plus tard, le premier congrès national, ou convention nationale acadienne va être créé. Les symboles nationaux sont adoptés. Je pense qu'il y a l'idée qu'il faut s'affirmer en tant que groupe parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Sinon, ni le fédéral, dont on se méfie désormais un peu, ouais. mais aussi même par rapport au Québec. Hein. J'ai vu des documents, par exemple, de Pierre Monlandry, un député très important de la période, où il va parler aux Québécois puis il dit on vous croyait des frères, ouais. Mais on est un peu déçus parce que le Québec n'a pas intervenu beaucoup. Certains, oui. On a remercié, c'est prononcé en faveur, le premier ministre québécois, d'un système scolaire francophone et ouais. catholique, mais plusieurs non. Joël Béliveau, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne de Sudbury, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.